Alors les gars, vous êtes prêts? Yes, on est prêts. Parti. Tortoni et Arbatax tous les mardis de 17h à 18h sur Radio Panique. Salut les auditeurs, salut Bruxelles. Salut Arbatax. Salut Tortoli. Bien ou bien? Bien bien. Vous écoutez Tortoli et Arbatax sur Radio Panique, sur le 105.4 ou sur internet en rediff ou voilà, comme vous voulez. En retard comme d'habitude. En retard. Toi même tu sais, tes petits écouteurs là, tu te balades dans la rue mais t'es en retard. C'est mardi, tous les mardis 1h, on est ensemble jusqu'à 18h. Merci à Kalonji aka Dr Quest d'avoir saucé pendant 2h de 15h à 17h sur Radio Panique. Mais tout de suite, avant de commencer l'émission, avant le générique, comme d'habitude, breaking news. Voilà, Tortoli Arbatax, on vient de se faire tweeter. Nos informations les plus secrètes, mais aussi les plus sûres, les plus solides, nous ont informé qu'en Tunisie, il y a eu révolution. Le président Ben Ali a dû s'enfuir par avion, apparemment avec sa femme et avec un petit magot. Apparemment, il serait parti avec une tonne et demie d'or en direction de l'Arabie Saoudite. C'est pas vrai. Si, si, si, si, si. Mais nous avions un petit message à lui passer justement à ce propos, et ça donnait à peu près ça. Au revoir, président. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Corinne? Au revoir, président. Bon, Corinne, au revoir, président. Il faudrait vraiment nous laisser maintenant. Générique. Générique, fais-moi du couscous. Chérie, on se retrouve juste après ça. Bienvenue chez Tortoli Arbatax. Fais-moi du couscous, chérie, fais-moi du couscous. J'ai une jolie femme dont je suis épris, mais voilà le drame, elle se lève la nuit. Sortant de sa chambre, à peine vêtue, elle se frotte le ventre et me dit d'une voix menue: fais-moi du couscous chéri, fais-moi du couscous, fais-moi du couscous chéri, fais-moi du couscous. Fais-moi du couscous chéri, fais-moi du couscous. J'ai trouvé la recette pour décourager sa passion secrète qui vient éveiller. J'emplace les pois chiches par des haricots, et comme je m'en fiche, je jette la semoule au moineau. C'est plus du couscous, chérie, c'est plus du couscous. Voilà comment te sois rongé de désespoir. Pour une femme affamée, j'ai trouvé un nouveau mets. C'est plus du couscous, chérie, c'est plus du couscous. De retour, vous écoutez Tortoli et Arbatax sur le 105.4 sur Radio Panique. Le petit générique habituel pour bien démarrer l'émission, tranquille, relax. Une petite dédicace à Ben Ali. Hey. Voilà. Ah oui, Tortoli et Arbatax ne sont pas non plus dans un monde parallèle en dehors de l'actualité. Non, non. Nous sommes au plus près, au cœur. Comme dirait l'autre, c'est pas les bisounours, ça. Non, on n'est pas sur notre petit nuage. Non, non, après avoir saucé, souviens-toi, Laurent Gbagbo. On avait déjà dit, il y a plus d'un mois. On avait dit quitte le pouvoir. On avait prévenu. Là, voilà, c'est pour toi. Ben Ali, fais-nous du couscous. Au revoir, président. Et toi, Tortoli, si t'étais président, tu ferais quoi, toi? Moi si j'étais président, je pense que je laisserais ma place. Je laisserais ma place à Wycliffe. À Wycliffe? À Wycliffe Jean. Bien vu l'artiste. Ça marche. Ça veut dire qu'on s'envoie un petit Wycliffe Jean, If I Was President. Ce sera suivi d'un gros son de Eve Eve avec Stephen Marley et Damian Marley. On se retrouvera juste après pour en causer un petit peu. If I Was President. Wycliffe Jean sur Radio Panique. David on Sunday, they go back to work on Monday. If I was president, if I was president, if I was president, yeah. Instead of spending billions on the war, I can use that money so I can feed the poor. 'Cause I know some so poor. When it rains, that's when they shower, scream and fight the power. That's when the vulture devours. If I was president, I get elected on Friday, assassinated on Saturday, buried on Sunday, they go back to work on Monday. If I was president, if I was president, if I was president, yeah. I know some soldiers that sleep but they can't dream. Wake up with screams, sounds of M16. So take this medal of honor for your bravery. I wish you the best, kid. You and your family. If I was president, I'd get elected on Friday, assassinated on Saturday, buried on Sunday. Go back to work on Monday. If I was president, if I was president, if I was president. But the radio won't play this. They call it rebel music. How can you refuse it? Children of Moses, telling children the truth. The truth. It's not all that bling that's diamond. Tell them the truth. The truth. Most of y'all wear cubic zirconia. Take it off. Tell now. Them the truth. The truth. Yeah. Your soul is worth more than diamonds. Yeah. If I was president. All blacks, I had reparation, no segregation. Feed the nation so there's no famine. Muslims, Jews, Christians, with our whole hands. Every week on the beach, party by the sand. Word up, take trips on Air Force One. Don't need to bring the homeless with no sneaks to Air Force One. Better schools in the hood, better teachers for the classes. Making money, paying no taxes. Find the best scientists, tell them come up with an answer. I want the cure for AIDS and cancer. But I gotta watch my back. Snipers on the hill with the steel, waiting to chill. If I was president, I get elected on Friday, assassinated on Saturday, buried on Sunday, they go back to work on Monday. If I was president, if I was president, I feel the rain coming, let me play my guitar for them right now. Let's go. No, no, no. You don't love me, yes, I know now. the truth, speak true, G. Boy, they may feel over, still them chat about me. Rough rider, ride or die, chat about we. Rough rider, ride or die, chat about we. Yo, maximum respect to my girl, I love the best. But when you left me, it's like a bullet in my chest. Now I'm not the same, I got a bulletproof vest. Knocked off my feet, I pleaded no contest. Sleepless nights without no food nor rest. This is Ragamuffin Junior Gang coming next. Take it no more ahead to make her confess. Sometimes I feel I'm in the wild, wild west. Lost the love I had and now I live to regret. Mommy say, woman, I tell me lying, I give me long storyline. Oh, sincerely, yes, if you is sincerely mine. We're listening to promises, what a fool am I? I want somebody tell me. You know I love is lying. I'm trying to be friendly. And I'm losing my mind. Me notice that you're moving physically unkind. And I miss the rubber ducky late night slow wine. So miss the loveliness of the body gold mine. Oh, but I might as well you shoot me with a new chrome mine. So sweet water for me. It's so hard to find. No, no, no, you don't love me. I'm reading the signs cause there's nowhere to go. Now that you've left me behind. Yo, it's true, true. C'est Tortoli et Arbatax. C'est Radio Panique. C'est 105.4. C'est formidable. La voici, la voilà. L'attente attendue. La chronique. Caporal, Tortoli. Au rapport. Ah, c'est l'expression de la semaine. Ça va clasher, clasher. Alors comme vous le savez, chaque semaine, en début d'émission, on met en jeu, on met en compétition deux expressions. On affronte, on met en lutte. Voilà. On est en lutte. Et il est temps de rappeler quelles étaient les expressions proposées la semaine dernière et quels sont les scores. Alors, ton expression, toi c'était « avec Darfour, je positive ». Avec Darfour, je positive. Bien, qui était bien envoyé, je trouve. Qui était un peu cynique, un peu comme on les aime. Et toi, c'était quoi, Tortoli? Et moi, c'était... comme un pet sur une toile cirée. Voilà, être pressé être comme rapide un... comme un... Ouais, pressé. Pressé comme un... tu vois, je te rappelle un petit peu. Je m'en souviens bien. Je m'en souviens bien. Ça m'a marqué en tout cas, c'était ma préférée, je pense. C'était d'ailleurs, au passage, deux expressions proposées par nos auditeurs. Donc, n'hésitez pas, on en a tous des comme ça. N'ayez pas honte, balancez ça sur le Facebook, Tortoli Herbatax. Devenez friends, rentrez dans la communauté Tortoli Herbatax. Et d'ailleurs, pour cette semaine, c'est donc deux auditeurs qui nous ont proposé... Alors, je rappelle juste les scores de la semaine dernière. Ah bon. Parce que je te sens un peu pressé, là, comme un pêche sur une toile cirée. Hein, j'aurais essayé. Voilà, bon, c'est pas bien important, puisque ça fait égalité, match nul. Voilà, on prend chacun un point, on rentre à la maison. Voilà, donc au niveau du classement, il y a juste une légère petite avance au niveau de exact. Monsieur l'animateur qui commence par un A, que je me souviens plus son prénom. Arbatux. Arbatux. Et voilà, il y a un petit point d'écart, donc si vous voulez faire la différence, n'hésitez pas, hein, c'est cette semaine que ça... Après deux journées de championnat en 2011, déjà, le break est fait, quoi. Le break est fait. Allez, il est temps de passer à la compète de cette semaine. Alors, cette semaine s'affronte... À toi l'honneur, l'handicapé. Ah, tu me laisses l'honneur. Bien sûr. Alors moi, ça a été soufflé, glissé par un breton animateur. Encore. Un animateur breton qui m'a glissé Kenavé. Kenavé. Voilà, en fait, ça, tu peux l'utiliser... Je connais le mot, mais je connaissais pas le verbe. Kenavo, en breton, ça veut dire au revoir. Ça veut pas dire bonjour, bande d'abrutis. Voilà, Kenavo les bouseux. Voilà, c'est un mot breton. Donc voilà, ça s'utilise Kenavé dans le sens... on se kenave ce soir. Enfin, genre, on se donne rendez-vous. Ça se conjugue. Hein. Ouais, je kenave, tu kenaves. Nous kenavons. Nous kenavons. Et vous kenavez. Super. Et voilà. Donc vous kenavez, rien à dire. Vous kenavez. Pas mal. Bref, alors donc on essaie de canaver. On se canave ce soir, quoi. Ouais, on se rencarde. Ça n'a pas. On se canave pour un verre. On se fait. Ok. Ça n'a pas grand chose à voir avec le au revoir breton. Bah non, au final, rien du tout. Non, c'est genre on se canave, on se donne rendez-vous, on fait quelque chose. Ça veut dire un peu fait quelque chose, faire quelque chose. D'accord, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais on aurait pu garder. On aurait pu garder. Si tu t'approches trop de moi, je peux te canaver. Mais en même temps, si on peut se donner rendez-vous ce soir pour se canaver tranquille, quoi. D'accord. Donc tu peux l'utiliser à toutes tes choses, boire, manger, dormir, mettre des claques. On aurait pu dire au revoir comme ça. Bon, bah je vous canave. Voilà, je vous. Oui, je vous canave fort. Je fais une bise et je vous. Ça veut tout. Et rien après. Dire en fait. Bon bah ça marche. Voilà, c'est pour vous amis bretons et surtout amis des expressions. Et ben figure-toi que ça me fait penser que je vais changer mon expression de cette semaine au dernier moment. Oh là là, l'autre. Puisque c'est un auditeur breton et un mot breton que tu as utilisé comme racine de ton expression de cette semaine. J'ai une expression bretonne qui me revient en tête. Au lieu de dire en avant la musique, eh ben on dit en avant Guingamp. Oh bah c'est tout simplement. Comme le. Si j'avais des mains, j'applaudirais. Si j'avais une bouche, je rigolerais. Mais là, non. Donc, c'est en avant Guingamp. Voilà, en avant Guingamp, tu ponctues toutes tes phrases, peu importe. Voilà. Voilà, tu ponctues tes phrases, tu finis par ça. Je trouve que ça finit bien. Ça finit bien plutôt qu'un silence. Tu finis une phrase et puis en avant Guingamp, quoi. En avant la musique. Non. Ça vaut une boule noire. Non, tu peux pas me mettre ça, tu peux pas me mettre ça, non. Tu me mets. Désolé. Non, on verra ça la semaine prochaine et je pense que je te retournerai la boule noire. Bon, alors un clash 100% breton cette semaine. Retourne-moi la boule noire, ouais. Je te retourne la boule noire. Tu vas voir. Voilà, vous votez sur Facebook, voilà. Sur Gmail. Toute la semaine, vous avez une semaine, les gars, à partir de maintenant. Tortoli les gars et les filles. arbatax@gmail.com, le Facebook. Et voilà. On va continuer à canaver tranquille dans cette émission. Voilà. Canavons. Allez, en avant Guingamp. Et on retourne vers le son. Il y a du nerd, du Kid Cudi, du Kanye West, et puis il y aura du hip-hop, et puis il y aura plein de trucs, il y aura même des petites surprises sorties par notre professeur Arbatax de ses vieux vinyles vers la fin de l'émission. Professeur Donc il y a du gros programme, il y a l'agenda culturel qui arrive dans pas très longtemps. Mais maintenant, Tortoli, t'as quoi sous la main? J'ai du nerd. Nerd, N-E-R-D. Avec le titre God Bless You All. Ouais. C'est issu de leur dernier album Nothing, je sais plus quoi. Nothing. Nothing. Nothing. Rien à dire, quoi. Rien à dire. Voilà. C'est ça. S'il est fat, on vous a déjà passé un extrait il y a quelques mois. C'était Hypnotize You qui était produit par Daft Punk. Exact. Et là, voilà, ils ont fait ça tout seuls comme des grands. Bah là, rebelote, une instru super lourde. On va bien fat. On va s'écouter ça sur le 105.4 et ce sera suivi de Kid Cudi. Le morceau s'appelle Ré Fauvev, un truc comme Ré, ça. Mi, bon, c'est nul. Le titre est nul. Allez nerd. Bravo. Ensemble jusqu'à 18h. Tortolière en attaque. On explose tes enceintes gros. Hold your head low bruh. You're not dead low bruh. You are brown in this world. It's black and white low bruh. Know how it sounds, low bruh, but you'll be alright, low bruh. Yeah, I read this song, make no sense to you. With the world on your shoulders, what can you see? God blessed us all with the gift to pursue. Just clear your mind and you'll feel like me. Yeah. What you read, lil' bruh? Get them words out your head, lil' bruh. With them shades, the world's the same. Don't you know, lil' bruh? It only just fades, lil' bruh. But can't hide your glow, lil' bruh. Yeah, 'cause I read this song, make no sense to you. Shoulders, what can you see? God blessed us all with the gift to pursue. Just clear your mind and you'll feel like me. Yeah. Forget the latest, low bruh. this little bruh. You were made to amaze and bring change, little bruh. It takes one to know one, bruh. So here's one to grow one, bruh. Yeah, I read this song, make no sense to you. With the world on your shoulders, what can you see? God blessed us all with the gift to pursue. Just clear your mind and you'll feel like me, yeah. Yeah. Welcome. Welcome you. Hey. I'm your big brother. What do I have to say to the kids? Let go. Life does get tough. No need to stress. Hold you back too much. Let's go. I heard they found the solution. Where will you be for the revolution? What I say to the kids? Wake up. Things might get rough. No need to stress. Keeps you down too much. Wake up, I heard they found a solution. Where will you be for the revolution? And I like it. Hey, I am happy today. This night I cover days. Somehow I feel okay. Somehow I feel okay. Whoa. Yeah, whoa, whoa. Yeah, whoa, whoa. Yeah, whoa, whoa. I'm your big brother. I'm your big brother. Let go, life does get tough. No need to stress, hold you back too much. Let's go, heard they found a solution. Where you be for the revolution? L'agenda cul, l'agenda naturel, l'agenda culturel. Et ça va bouger, ça va bouger cette semaine. Voilà. Sur BXR. Exactement, c'est l'agenda culturel. On va vous présenter toutes les sorties à faire cette semaine et un petit peu en début de semaine prochaine. Voilà. On brosse, tu vois ma main, je brosse. Tranquille. Tranquillement, toute l'actualité culturelle. On passe en revue. De la région. De Bruxelles capitale. Allez, bouger ou mourir. T'as allé le slogan. Qu'est-ce qu'on fait ce soir juste après? À savoir que nous sommes mardi. Et donc, Donc c'est rien. Bah non, moi je suis sur un flop là. Partons sur mercredi alors. Directement. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait demain? Mercredi. Ah. Moi je suis sur un flop aussi. Trou noir. Trou noir? Eh ben non, moi pas trou noir. J'ai. C'était quoi ton histoire de la boule noire tout à l'heure? Que j'allais te renvoyer la semaine prochaine, mais t'inquiète pas. Voilà. T'inquiète pas. Je le rappellerai. Moi j'ai un concert mercredi soir. Enfin, je vais voir un concert plutôt. C'est au Café Central. C'est Alec et les Japonaises. Ouais. Alors, Alec et les Japonaises, souviens-toi, bah, ça donnait un truc comme ça. Ouais. Des doigts, hein. Voilà, donc c'est Alec et les Japonaises, c'est au Café Central, c'est à partir de 21h et c'est mercredi. Un et peu c'est de chaleur. Et c'est combien mon petit Arbatax? Bah, je sais pas, c'est au moins 2,50, 2,75. Oh. Tu parles du paf? Oui, je te parle des pifs. Les pifs, paf, pouf, pif dedans. 4. C'est gratuit. Allez! Et ouais. C'est tout bon, ça, fieux. Voilà, ça c'est mercredi. Passons. Si Guillemette veut bien nous envoyer le jeudi, ma poule. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait jeudi? Jeudi, oui. Voilà, il suffit de lui demander. Tortoli, jeudi, je suis sûr que t'as un truc. Sauve l'émission, s'il te plaît. Non, j'ai rien. Je mange des Mikados toute la soirée. Naufrage en ce début de semaine, naufrage. Des Mikados, la petite faiblesse qui te perdra, voilà. Tortoli. Vendredi? Et les gars, qu'est-ce qu'on fait vendredi? Ah, et là, je bondis. C'est bien le week-end. Mais bien sûr. Et tu lui coupes la parole, Guillemette. Bien sûr. Bon alors, j'enchaîne. Vendredi, il y a la soirée Switch là dans ce nouveau bar qu'on vous avait parlé, le Flip, qui est du côté de Flagey, la chaussée de Boundard. On pourra aller skenaver là-bas, tranquille. Bah, là, c'est un endroit parfait pour skenaver. À partir de 21h, donc vendredi 21 janvier, c'est la soirée Switch, qui m'a l'air d'être une soirée hebdomadaire, vu que la semaine dernière, il y avait aussi la soirée Switch. Et là, ce sera Costanza DJs, qui Costanza, était plus connu ici dans le quartier, ici dans le ghetto, sous le nom de Vortex Radio Show, puisqu'il officiers sur Radio Panique, donc il y a encore quelques temps de cela. Big up aux anciens, respect, c'est pour ça. Et puis apparemment, donc musique éclectique, ça va du hip hop au reggae, et ça hésite pas à aller vers de l'électro un peu plus club disant. Donc un seul mot d'ordre, faut que ça groove. Donc ça a l'air d'être pas mal. Donc c'est gratos, c'est au Flip, chaussée de Boundal, vendredi. Mais vendredi, il y a encore quoi? Ouais, il y a le vernissage de l'expo des 40 ans de Saint-Luc. En fait, c'est Saint-Luc, c'est une école de. Oui, on connaît quand même. Une école où il gribouille, quoi. Une école de gribouille. Ça gribouille là-bas, oui. Et voilà, donc c'est Maison Pelgrims et c'est gratuit. Il y a le vernissage. C'est une expo qui retrace les 40 ans de cette école. Donc ils exposent les œuvres des élèves. Des élèves, voilà. Des gribouilles. Des gribouilles, quoi. Voilà, c'est vendredi ça. Et attends, parce que vendredi je serai encore sur la fameuse soirée anti-tapas qui est sur une thématique African Night cette semaine. Et ça se passe toujours à la Maison des Cultures. Non. Je te laisse deviner, 1060. Saint-Gilles, bien évidemment. Rue de Belgrade. La seule, l'unique. Rue de Belgrade, pas très loin de la gare du Midi, soit dit en passant. Et puis voilà, c'est toujours 5 euros. Il y a toujours un maximum de bouffe si t'arrives pas trop tard. Alors, Arbatax le gros. Included, quoi. C'est all included dans les 5 euros. Quand il y a de la. Quand il y a de la blonde, non. J'ai voulu dire femme et manger. Donc l'enfant. Très bien, ouais, c'est ça. Voilà, tant qu'il y a de l'enfant, voilà. Et donc il serait plutôt sur voilà, j'avais noté 2-3 trucs, une fanfare qui commencera, DJ Conscious BE qui sera du reggae, et puis ensuite il y a des guitaristes et des BE, c'est pas le juste d'où il vient, quoi, genre Belgique. Ah, tu, c'est ça, et pour, ils avaient mis des parenthèses, donc ah, mais c'est ça, ou... pas mal. Et mais c'est Conscious Bug, ce serait bien que c'est. Pour un mec qui fait du reggae. Et puis voilà, et puis bien sûr, groupe congolais, je crois. On va lui envoyer un mail, etc. Pour lui. Ça va rumber. Voilà, donc ça c'est le vendredi, il y a exact. Le choix. Gros choix. Vas-y. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait samedi? En mode Saturday Night Fever. Oula, mode Saturday Night Fever. T'aurais quelque chose peut-être? C'est le samedi combien? 23? Ou 22. Non, 22. 22, et eh ben j'ai rien. Dans ce cas, j'ai rien. C'est fou, l'homme qui marchait aux chiffres. Et eh ben moi j'ai quelque chose, c'est au Recyclard, donc c'est à la gare de la Chapelle, c'est à partir de 20h. C'est le Ciné Pocket, c'est le festival des films mobiles. Voilà, donc c'est au Recyclard et c'est free de 20h à 1h30. Je t'explique un peu le concept. C'est un festival belge dédié. J'attends pas que tu répondes en fait. Non. Je t'explique le concept. Non, mais moi okay, je te regarde voilà. Lire comme ça, galérer d'ailleurs. J'ai jamais remarqué que tu galères autant en lisant. Bah, depuis que j'ai perdu mes lunettes dans la neige. Voilà, Ciné Pocket, c'est un film de, c'est un festival belge dédié exclusivement aux aux films réalisés avec un téléphone. Voilà, donc tu, toi par exemple à Arbatax, bon, voilà, t'es un vieux sagem, tu peux pas faire de film. Oui. Mais dans le cas où t'aurais pu proposer tes petites œuvres. Et voilà. Oui. Donc ça c'est une soirée qui va montrer plein de films dans ce genre. Des petits courts-métrages. C'est assez sympathique. C'est amateur, c'est artisanal, c'est un peu à l'image de Radio Panique, de Tortelier Arbatax. Voilà, une émission faite avec des téléphones portables. Et ça, c'est le samedi. Samedi, d'accord. 1h30, disons, ça se termine un peu tôt. Bah écoute, après... On va être en plan comme ça après. Après, on ira faire une raclette tranquillement et puis voilà, il passera le moment du dimanche. Mais il nous reste un petit peu. À partir du dimanche et la semaine après, il y a des trucs. Ah, là on est le 23 du coup, le dimanche. Oui, exact. Et tu sais quoi ? T'as rien. Là justement, j'ai rien. Moi j'ai un truc juste à partir de la semaine prochaine, du 24 au 30 janvier, l'ouverture de la semaine du son. Là t'as essayé de m'embrouiller parce que le 23 t'as rien non plus au final, si j'ai bien compris. Pas tout à fait. Parce que moi aussi j'aurais pu enchaîner sur le 24 comme ça. Ouais, mais non, mais si Guillemette t'écoute bien, elle dit est-ce qu'il y a dimanche, un truc dimanche et la semaine d'après. D'accord, ça. Donc, va. Voilà, Imhotep. C'est juste pour vous faire mettre l'eau à la bouche. Voilà, la semaine du son, c'est du 24 au 30 janvier. C'est des concerts, des expos, des conférences, des performances. Et de toute manière, on va vous en reparler dès mardi prochain dans notre agenda. Vaut mieux, je pense. Vaut mieux qu'on en reparle la semaine prochaine. Pourquoi t'aurais pas trop d'infos là-dessus ? Non, j'ai le problème sous les yeux, mais c'est un peu fouillis. J'ai pas bien étudié, quoi. Très bien. Vous pouvez en tout cas vous rendre sur lasemainedusson.be et il y a le programme. Ok, c'est fat. Easy. Est-ce qu'on repartirait pas sur un petit peu de musique, mon cher Arbatax ? De l'humour et de l'amour, bien sûr. Telle est la recette de l'émission. Deuxième mi-temps, c'est parti. On part sur quoi ? T'as quoi sous ton petit doigt là ? Moi, j'ai un mec qui s'appelle Ken et il habite à l'ouest. D'accord. Voilà, d'accord. Je sais pas trop. AKA Kanye West. Ça marche. Ah, d'accord. T'es sûr que c'est Kanye West, ça ? Oui, non, c'est pas les... Je t'ai pas vu à la Jesus Church, là, au Botanique. C'est pas les enfants, pas... la petite croix de bois de cœur, etc. Avec un cœur sur la petite croix chorale, de bois. Là, les... Moi sur ton chemin... C'est pas ça. C'est Kanye West, et c'est le titre Runaway. C'est issu de son album, oui. Et du film. Alors justement, ça n'est pas le titre Runaway. Runaway, c'est un autre... c'est un autre morceau. Ça, c'est l'intro du film Runaway. Tu fais bien de préciser. Voilà, le soundtrack, c'est disponible. Hein, le soundtrack de ce petit court métrage. Tu nous sauves la vie. Runaway, une sorte de film artistique, une sorte de long clip comme ça. Écoutons et ça, c'est ça. Le premier morceau. Et c'est pas dégueulasse. Vous écoutez Tortoli Arbatax. On se retrouve juste derrière. Yo, Kanye West, Runaway. Yeah. Yeah. Yeah, yeah. I fantasize about this back in Chicago. Mercy, mercy me, that mercy a lie go. That's me, the first year that I blow. How you say broken Spanish, me no hablo. Me drown sorrow in that Diablo. Me found bravery in my bravado. DJs need to listen to the models. You ain't got no fucking Yeezy in your Serato. You ain't got no Yeezy, nigga? Stupid, but what the fuck do I know? I'm just a Chi-Town nigga with a nice flow. And my bitch in that new Phoebe Philo. So much head, I woke up in Sleepy Hollow. Can we get much higher? Look like a fat booty Celine Dion. Sex is on fire. I'm the king of Leon or Lewis. Beyond the truest. Hey teacher, tell me how do you respond to students and refresh the page and restart the memory, respark the soul and rebuild the energy. We stop the ignorance, we kill the enemies. Sorry for the night, demons are still visit me. The plan was to drink it till the pain over. But what's worse, the pain or the hangover? Fresh air rolling out a window. Too many Urkels on your team, that's why your wind's low. Don't make me pull the toys out, huh? Don't make me pull the toys and fire up the engines, and then they make noise. Can we get much higher? At the border with the seance, just kids, no parents. In the sky filled with heroin, we saw the devil in together would spare us. Could we get much higher? Oh. Parce qu'on n'a rien à faire. On est là pour qui? Pour Tortoli et Arbatax. On est là pour quoi? Je n'osais pas te le demander. Alors? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est Radio Panique. Demanding to be oh so strong, but truth be told, I only want myself to tag along. Follow my shadow, loaded with guilt. See, what I didn't know was patching up only makes it clear. Have too much pleasure from illusions of life. Seems I'd rather lose a friend than a fight. But I'm not young enough to know everything. See, what I I'm a des gnocchi. Je les entends déjà. Des quoi? Des gnognos, des kiki. Attention, voilà l'artiste. Les tortolis et Arbatax. Des gnocchi croustillants à l'extérieur, mais fondants à l'intérieur. Terrible. De retour, vous écoutez Tortoli et Arbatax. Et Arbatax. Voilà l'écho que ça fait. Voilà l'écho. Voilà les copains. Fondant l'intérieur, croquant l'extérieur. Voilà. Voilà. Belle définition. Et pourquoi ce jingle italien? Ah bah là on serait sur un tweet en fait, un tweet des pouilles, hein, rapidement. C'est la title dickhead. Tu tweets ou pas? Bah je tweet tranquille et je repars avec mon vélo à pignon fixe tout à l'heure. Et puis bien sûr mes Ray-Ban sans verre à l'intérieur. Ok, donc on a reçu C'est chic, c'est très chic. Et en avant-guingant. C'est très distingué. Allez, les blagues, en avant-guingant. Voilà. Alors le Sud c'est chic, effectivement, et le Sud c'est chic, c'est le nom d'une soirée qui se passe à la brasserie Bellevue. La brasserie Bellevue, là où il y avait eu la plastique au mois d'octobre, novembre. Exact. Ce qui fait deux mois en fait, hein, mais tu globalises, tu es un homme de la mondialisation. Je globalise, exactement. C'est normal, tu vis avec ton temps. Voilà, exactement. Quel temps il fait? Eh ben, il fait plutôt beau, surtout dans les Pouilles, puisque c'est une soirée spéciale Pouilles qui se passe à la brasserie Bellevue, les 43 quai du Hainaut à Bruxelles, près du canal. Les Pouilles, donc si vous voyez bien la botte, les Pouilles c'est plutôt dans le talon. Voilà, c'est plutôt le talon, hein. C'est tout ce qui est Bari, Tarente et la ville de Brindisi. Voilà, Lecce. Voilà, Lecce, je savais que tu aimais. Ah oui, j'aime Lecce. Voilà, c'est drôle. Voilà, allez, c'est très distingué. C'est et encore une fois. Et voilà, et donc il y a l'association Cime di Rave qui organise une soirée. Le sud c'est chic, petit programme rapido, c'est 19h. Pizzica Workshop. Ah, Pizzica Workshop. Alors, à pas confondre avec une pizzeria workshop, peut-être, non? Eh ben non, justement, la pizzica, apparemment, ce serait plus une danse, quoi. Une danse traditionnelle. Alors, si c'est une danse comme tu l'as faite, là, je vais peut-être venir. Tu vas peut-être venir. Non, ça a l'air fat. Tu crois? Et ensuite, à 21h... Ça a l'air fat. Ça a l'air bien fat. Tu vois ton bassin. À 21h, Aperitivo Pugliese. Donc j'ai pas besoin de traduire. Ouais. Et puis à partir de 22h, l'Azik arrive avec Paranza del Gecko, Paranza del Gecko en live, et puis DJ set à partir de minuit. Voilà, ça c'est pour triper quoi. C'est pour se la faire à l'ancienne, à la sudiste quoi. Très bien. Tranquille. Ouais, ça donne envie. Voilà, ça c'est samedi. On avait oublié de présenter ça dans l'agenda Q. Une petite tarentaise samedi. On a pas oublié, ça a tweeté. Tu l'as dit. Ça a tweeté effectivement. ça a tweeté. Puisque on est toujours connecté. Fin de cette parenthèse. Fin du tweet. Tortoli et Arbatax, la radio numéro 1 en Italia. Et là les amis, je on vous annonce sur du gros qu'on reste, il nous reste un quart d'heure. Et là, professeur Tortoli va nous montrer un petit peu qu'est-ce qu'il fait avec la musique. Il la déconstruit, il remonte à la source et il part avec un Busta Rhymes. Je suis un menuisier aujourd'hui, je construis, je déconstruis. Ça part avec Busta Rhymes, le nom du morceau. Oh, ah. Tu le fais bien. On se capte juste après. When I step up in the place, say yo, I step correct. Ooh-ha! You all eject, I got that head notch that make you break your neck. Ooh-ha! You all eject, and you know we come through to wreck the discotheque. Ooh-ha! I got you all eject, throw your hands up in the air, don't ever disrespect. Ooh-ha! I got you all eject, bust the rhymes up in the place, true indeed. Yes, I got the record, that's word on my feet. I'm guaranteed to give you what you need. One blood, everybody like Junior Reed. Wake up every morning, yo, I must succeed. Nationwide broadcast, make the world stampede. Yo, Willie, make we roll some weed. Mad charge, now I must proceed. Yo, we about to make moves, set speed. Beast to baby, fight Q-tip, I leash I need. Watch me knock you out like Apollo Creed. Body blows, busting your shit, making you bleed. Just feed more dynamic flows and take heed. Need more information, homeboy, than just greed. Hey, you can read all about the pure breed. Duty noble, that's my duty, let my seed. When I step up in the place, and yo, I step correct. Woo-ha! I got you all in check. I got that head nod that make you break your neck. Woo-ha! I got you all in check. And you know we come through to wreck the discotheque. Woo-ha! I got you all in check. Throw your hands up in the air and never disrespect. Woo-ha! I got never try to step on my suede shoes. Top gun, shut out your firm like Tom Cruise. Please, let me get down and blow a fuse. Acting fool, breaking shit down to molecules. Yo, let me hit you with my ill street blues. Bust the rhymes, always in lines, the street news. Hey, girl, don't be confused. Sell my 7 seats and enjoy my boat cruise. I know you really wanna know who's coming through, leaving blood stains and residues. Sorry, homeboy, but your flow sound used. Got to pay your dues, baby, you know the rules. Whenever I travel the world, I land cruise. If you choose to move around, you get bruised. Now I got you gas on super unleaded fuse. Give me room, give me some space, your excuse. When I step up in the place, then you watch step correct. Cause I got you all in check. I got that head nod that make you break your neck. I got you all in check. And you know we come through to wreck the discotheque. I got you all in check. Throw your hands up in the air and never disrespect. I got you all in check. You're now rocking with the best. Bust the rhymes coming through from the Flipmode squad. Boy Scouts who I be. Straight to your dome. We coming straight to your dome. Bringing all you ruckus to all you rap motherfuckers. Boy Scouts who I be. Flipmode is the squid dog. Bust the rhymes, break it down like this. Yo, which motherfucker stole my flow? Throw them type of right out my window. Blast your ass, hit you with a direct blow. Blow, coming through like G.I. Joe. Star Wars moving ill like Han Solo. Make you bounce around like this was Calypso. Always shine cause I got the high pro glow. You think that you can hide, you think you can lay low. Roll up on your eye like Hawaii 5-0. Mac out with my dreads in my Kango. Forget the moment, just pass the Cisco. Yo, take a trip down to Mexico. Come back with that. That might make you psycho. Maximum frequency studio. Yeah. T'avais l'air bien excité là-dessus, hein. Bah, tu sais, ça, c'est toute mon enfance, quoi. Toute ta jeunesse, c'était Busta Rhymes avec le titre Wooha, got you all in check. Tu l'avais pas dit ça tout à l'heure, hein. Ouais, non, j'ai pas fini ma phrase. Bah, fallait un peu réviser, j'imagine. Mais voilà, moi, je trouve surtout ce qui tue dans ce morceau, c'est le sample. Tranquille. C'est le sample. C'est vrai que l'instru est pas mal. Boum, pam. Toum, toum, toum, toum. Exact, exact. Bien vu, c'est vrai que c'est beau. Alors, j'ai fait mes petites recherches, etc. Alors. Et regarde bien. Ça donne ça. C'est assez léger. Est-ce que t'as retrouvé l'instru? C'est ça? Oui, oui, Arbatax. Tortoli, Arbatax remonte à la source de la musique. Tel des saumons dans une rivière. Tu veux peut-être l'auteur de ce... cette petite tuerie? Bah non, mais juste remets-moi Busta Rhymes, quoi. Oh non. Non, ça fait plaisir, mais... Non, voilà, pour dire que bah ça, tu t'en doutais. Mais l'ambiance chez toi, enfin, j'aime bien quand tu prépares l'émission et tout, ça doit être classe, quoi. Ah ouais, moi c'est studio, ça je mets mes petites lunettes, ah ouais, je me fais pousser la barbe. Tranquille, quoi. Petit clavecin et tout. Petite tisane, et puis on écoute ça, quoi. Oh, l'ambiance, quoi. Voilà, donc le titre s'appelle Space, et l'auteur-compositeur s'appelle Galt Mac Dermo. Voilà, petit pas, coup d'œil avant de dire. Pas Mac Merdon. Non, Mac Dermo. Dermaco. Mac Dermo. Mon Dermaco, celui qui soigne la. T'as été voir ton Dermaco. Mac Dermot, avec un T à la fin. Elle est bonne. Mac Dermot. Et voilà, donc c'est un compositeur pianiste canadien. Oui. Tu veux en savoir plus? Pas mal, bah oui, j'attends de voir. Enfin, en même temps, je sais qu'il est canadien. Maintenant, ça me fait plaisir. Et voilà, et en fait il a gagné pas mal de Grammy Awards. Et ce mec il a été samplé et... Et ressamplé. Et voilà. Et voilà, notamment donc par Busta Rhymes qu'on vient juste d'entendre avant, ouais. MF Doom dans les rappeurs, Gangstar, Snoop Dogg, Old Dirty Bastard. Voilà, du gros rappeur ricain. Il s'est fait pomper, comme on dit. Il s'est fait pomper et repomper. C'est assez classe. Non mais c'est ça. Mais voilà, il n'y a pas que les ricains qui l'ont, comme tu dis, pompé. Ouais. Écoute un peu, ça... Je te fais un petit quiz, mon petit Arbatax. D'accord, professeur Tortoli. Ah, mais ça, je reconnais direct. Il y a Wax Taylor, Kessera. Oh, l'autre. Sur l'album, Quel album? Tales of the Forgotten Melodies. Un truc comme ça. Ça, c'est le Wax Taylor ou c'est le McDermott? On ne reconnaît ça, plus du coup. Ça, c'est le McDermott. Galt McDermott. Wax Taylor, t'es un tout naze. C'est pour te dire la puissance. C'est McDermott qui a tout fait. C'est McDermott. Ladies and gentlemen, nénéni. D'accord, d'accord. Bah voilà, donc d'accord. Un lourd en fait. Un mec qui pèse un peu dans le milieu de la Je musique. Je te fais un peu écouter vite faf le. Tu vas t'en souvenir du Wax. Analyse, comparaison. Professeur, tu nous régales. Et voilà. Il a rajouté. Ladies and gentlemen. C'est un tunaz. Une petite fille qui chante par-dessus, des petits scratchs. Elle est belle. Laisse-nous kiffer un peu ça. Je te laisse. Vas-y, on va se laisser kiffer un petit couplet de ça. And now the moment we've been waiting for is here. I have something to tell you. C'est quand même bon. Ça fait plaisir. Voilà. Et donc tout ça viendrait de ce Gérard Darmon. Non, Galt McDermo. McDermo. Alors, Galt, d'accord. Tu l'écris G-A-L-T. Oui. Et McDermo, c'est en un seul mot, c'est M-A-C-D-E-R-M-O-T. M-A-C. D'accord. Il aime masser. Il voilà. aime masser, ouais. Et bah, d'ailleurs, ça va. D'ailleurs, il aime pas masser que les petits jeunes dans ton genre. Il a aussi massé les mamans. Les mamans. Ouais, ouais. Il a aussi massé les mamans. Tu veux dire que c'est lui qui a fait toutes nos instrus de hip-hop qu'on écoutait et qu'on écoute encore aujourd'hui. Mais il a aussi régalé les mamans. Il a régalé les parents quoi à l'époque. Voilà. Puisque là, ça, j'entends bien ce que t'es en train de me balancer la professeure. Je te laisse un peu kiffer puis après En fait je te laisse plutôt le temps de trouver. Ça je reconnais direct. Ça je l'ai joué à la fête de la musique quand j'avais 8 ans. Avec ta flûte Non, c'était un banjo à l'époque. Il avait un banjo. C'était un banjo et ça s'appelait. T'as une tête à faire du banjo. Ça s'appelait R. T'as une bonne tête à faire du banjo. Ça s'appelait Cheveux en fait en français. C'était une comédie musicale qui s'appelait Cheveux. Et ça c'est une instru qui est connue puisque ça s'appelle Let the Sunshine. Let the Sunshine In. In. Voilà. On se l'écoute un petit peu, on revient après. Alors. Bah bien sûr, Let the Sunshine In. Donc Galt McDermo, c'est le compositeur de la comédie musicale R. Dermaco, bah ça va, je retiendrai. Talc, Dermaco. Voilà, okay. C'est à peu près ça. Tranquille, bah j'espère que ta maman a kiffé. Pendant que je te voyais faire le guitar héros là. Pas mal hein, pas mal la petite instru. Et bah, justement tu parlais de ma maman. Et bah regarde le cadeau que je fais pour ta mère. En classique, un Julien Clerc. Écoute. Qui lui aussi reprenait Galt. Elle t'en sera Mac très Dermo. Reconnaissante. Elle t'en sera très reconnaissante. Maman, prends ça. Si tu nous écoutes, ce qui m'étonnerait, mais. Hard Attacks. À la semaine prochaine. Allez, merci professeur pour cette fin d'émission éducative. On vous laisse avec G-Boutique, comme tous les mardis. Ils prennent l'antenne à 18h. Nous, on file à l'anglaise. On se retrouve mardi prochain, 17h, 18h. Radio Panique, c'était Tortoli Hard Attacks. On laisse entrer le soleil et en avant Guingamp. Allez, on se kénave la semaine prochaine. Yes, man. Ciao. Jeter son futur dans l'espace. Et le silence. silence me répond. Oh.